Bonsoir, bienvenue dans Autant en emporte l'histoire sur France Inter, votre rendez-vous de fiction historique et romanesque. Ce soir, 1940, Max Ernst et Leonora Carrington, une passion en temps de guerre. Vivre l'amour fou, l'art, la liberté, la poésie, alors que tout autour gronde la menace des armes. C'est l'aventure où cet homme et cette femme, deux artistes surréalistes, se sont lancés à corps perdu de 1937 à 1940. Lui, Max Ernst, un survivant de 14-18, côté allemand. Comme la vie, on veut la vivre pleine et totale quand on a connu l'horreur des tranchées. La Renaissance, pour lui, ce fut d'abord l'engagement dans l'art, la rencontre joyeuse avec les dadaïstes, l'amour, et aussi s'installer en France, alors que la folie brune s'est emparée de l'Allemagne. Elle, c'est Leonora Carrington, une Anglaise de 20 ans, une rebelle qui a rompu avec sa famille pour se consacrer à l'art et qui va trouver en Max un amant et un mentor. Dans leur maison de Saint-Martin d'Ardèche, Max et Leonora vont créer et s'aimer, d'un amour fou, total. Ce bonheur aurait peut-être pu durer toujours, mais c'était sans compter avec l'oiseau de proie qui planait dans le ciel. Autant en emporte l'histoire, avec Stéphanie Duncan. Julia Drost, bonsoir. Vous êtes allemande et française naturalisée, un peu comme notre personnage aujourd'hui, Max Ernst, l'a été aussi. Vous êtes historienne de l'art, une spécialiste justement de Max Ernst. L'histoire donc que je vais raconter est celle de Max Ernst et de Leonora Carrington. Elle va commencer en 1937, mais est-ce que vous pouvez nous dire justement à ce moment-là, qui sont Max Ernst et Leonora Carrington? Oui, donc Max Ernst, en 37, il vit à Paris. Ça fait 15 ans déjà qu'il est en France, parce qu'il arrive en 1922. Il a fait la première guerre en Allemagne, enfin, il était dans l'infanterie. Il était d'abord sur le front russe, ensuite sur le front de l'Ouest, où on dit que dans la bataille de Verdun, il était en face de son meilleur futur ami, qui était Paul Éluard. Et il va être un des fondateurs de Dada à Cologne, aux côtés de Jean Arthe. Le mouvement Dada, oui. Exactement. Donc c'est Paul Éluard avec Gala qui va arriver à Cologne pour les rencontrer. Et c'est là que va démarrer une belle amitié qui va durer finalement une vie entière et qui va donner envie de Max Ernst de venir s'installer à Paris. Il va avoir une première exposition en 1921 que André Breton va faire pour lui dans une librairie qui s'appelle la librairie au sans pareil, où les surréalistes parisiens vont, ou les futurs surréalistes, puisque là, il faut dire, on est encore à l'époque Dada, vont découvrir les collages de Max Ernst et ils vont les recevoir comme une révélation, quelque chose qu'ils ont jamais vu, qui les passionne, qui les intéresse. Et ils vont proposer à Max Ernst de venir les rejoindre à Paris. Oui, donc en 1937, Max Ernst est un artiste allemand, mais qui vit en France, qui est un artiste reconnu déjà dans le milieu, en tout cas le milieu des artistes. Oui, absolument. Il a 46 ans, c'est ça? Il a 46 ans, exactement. Mais aux États-Unis, à New York, c'est en 1936 que Alfred Barr, qui est conservateur au musée d'art moderne, va organiser une grande exposition Fantastic Art, Dada and Surrealism, où Max Ernst il va être un des artistes exposés, mis en honneur. Et donc le surréalisme, qui était dès son origine un mouvement international, commence à avoir une grande visibilité partout en Europe. Comment vous définiriez le surréalisme ? Le surréalisme est né à la sortie de la Première Guerre mondiale. C'est une réaction à cette Première Guerre mondiale, on peut le dire ? Bien sûr, c'est une réaction. C'est une réaction par rapport à l'incroyable violence qu'ils ont vue, aux victimes que la guerre a faites. Mais c'est aussi une génération qui va se révolter contre l'éducation qu'ils ont eue, qui vont défendre des valeurs anti-bourgeoises, anticléricales, qui vont revendiquer une vie libre, sans contraintes, y compris dans les mœurs et surtout dans la création artistique, où ils vont trouver de nouvelles façons, des nouvelles méthodes de peindre, et aussi jusque dans la façon d'exposer leurs œuvres, notamment dans cette exposition en 38, où le spectateur il arrive dans le noir et c'est avec les lampes de poche que le visiteur il va découvrir les tableaux des surréalistes qui à ce moment-là d'ailleurs portent en elle la menace de la société. Et dans une Europe à la fin des années 30 qui sent la menace, où on vit dans une ambiance inquiétude, c'est la peinture des surréalistes qui va le refléter, ce climat d'angoisse et d'inquiétude générale. Et Leonora Carrington en 1937 c'est un grand bébé, quoi, on peut dire, par rapport à Max Ernst. Une jeune Anglaise de 20 ans. Faut penser que c'est une magnifique jeune femme qui a 20 ans. Qui lui est pas mal non plus, hein. Il est assez beau. Enfin, il est plus âgé, mais on parle toujours de la beauté des femmes, mais lui est assez beau aussi. On en parle beaucoup aussi de la légendaire beauté de Max Ernst et de ses yeux. Oui. Et donc, Leonora Carrington, oui, enfin, elle a 20 ans, elle a grandi dans le comté de Lancashire, en Angleterre. Dans une famille un peu ennuyeuse. Dans une famille ennuyeuse, dans une famille sévère, enfin dans une famille très riche surtout, très aisée, qui se veut très bourgeoise. C'est pas la vieille bourgeoisie anglaise, mais c'est la bourgeoisie financière qui va être tout sauf enchantée quand surtout le père Carrington il va apprendre que sa fille se passionne pour un peintre allemand qui a 46 ans, en plus marié, enfin, puisque en 1937, Max Ernst, il arrive déjà au bout de son deuxième mariage. Donc, ça va être quelque chose qui est vraiment plein de tensions, en fait, à beaucoup d'égards. Alors, Julia Drost, je propose que nous nous retrouvions dans une trentaine de minutes pour parler encore de Max Ernst et Leonora Carrington. Le temps d'écouter justement 1940, Max Ernst et Leonora Carrington, une passion en temps de guerre. Un texte écrit spécialement pour Autant en emporte l'histoire par Jean-Benoît Patricot. La réalisation est signée Cédric Ossir. N'essayez pas de me faire croire que vous n'êtes que de simples passants dans les rues de Madrid. Je sais qui vous êtes. Vous n'êtes que des agents à la solde des nazis. Tous, vous m'espionnez. Vous voulez m'empêcher d'atteindre le consulat anglais. Je suis anglaise. J'ai été présentée à la reine, moi. Je dois parler au consul. Je peux arrêter cette guerre. J'ai des pouvoirs immenses. Je prouverai au consul que la guerre n'existe pas. Que des peuples entiers ont été hypnotisés par Hitler et ses sbires. Et puis tenez. Prenez. Allez-y. Prenez ce passeport. C'est celui de Max Ernst. Vous le connaissez, bien sûr. Un grand peintre, un grand homme. Je donnerai mon sang à boire à la lune et au soleil aussi. La course de la terre se ralentira et je pourrai ainsi vaincre la guerre. Et je pourrai retrouver Max, l'arracher à vos prisons. Hein ? Qu'avez-vous fait de lui ? Max ? Max ? Où es-tu ? Pourquoi m'as-tu laissé seule ? Je peux ramener l'ordre et faire que sur cette planète, l'amour fou triomphe. Je peux... Ah ! Ils viennent vers moi. Des chevaliers teutoniques en armure de nacre. Ils veulent me prendre et ils ne mourront pas. Quel est ce sortilège ? Je ne peux plus bouger. Mais où sont mes forces ? Dans cette aiguille que vous avez plantée dans mon bras ? Il faut que je vous échappe. Il le faut. Il en va de la survie de l'amour. De la fin de la guerre. Je ne peux plus bouger. Il faut... Laissez-moi. Je ne suis pas une femme. Je suis un cheval. Un cheval. Juillet 1940. Cette jeune femme qui erre l'esprit troublé dans les rues de Madrid s'appelle Leonora Carrington. Il y a 2 mois encore, elle vivait en France, dans un village ardéchois, avec l'homme qu'elle aimait, le peintre allemand Max Ernst, de 26 ans son aîné. Mais en mai, des gendarmes sont venus l'arrêter. Opposant farouche au nazisme, Max Ernst n'en est pas moins citoyen allemand. Et à ce titre, il doit être conduit au camp d'internement. Et comme si cela ne suffisait pas, à la séparation des amants s'ajoute le cataclysme de la France. L'impensable s'est produit. En mai, les forces allemandes ont transpercé un front que tous les stratèges jugeaient inviolable. L'armée française est en déroute. Le 14 juin, Hitler a atteint Paris. Le 22, la moitié de la France est envahie et Pétain a signé l'armistice. Sur le chemin de l'exode, comme des millions de Français, des amis du couple ont fait une halte à Saint-Martin d'Ardèche et découvert une Leonora isolée, affolée par les événements. Il faut fuir, Leonora. Essayer d'atteindre l'Espagne, ne pas attendre. Tu sais ce que te feront les Allemands s'ils viennent jusqu'ici et découvrent que tu es la compagne de Max Ernst ? Une Anglaise en plus. Tu es à bout de force, si maigre, si faible. Viens avec nous, on t'emmène. Leonora ne sait plus. Partir, abandonner tout, ses œuvres, celles de Max. Et Max, comment la retrouvera-t-il ? Le temps presse. Il faut fuir, Leonora, puisque Max n'est plus là. Max a été interné près d'Aix-en-Provence au camp des Milles. Un camp départemental où sont rassemblés les Allemands vivant dans le sud de la France. Le Le camp d'Émile est une ancienne tuilerie dont les fours ont été transformés en cellules. L'entassement des corps, la promiscuité rendent l'endroit invivable. Max Ernst y a déjà été emprisonné à la déclaration de la guerre, à l'automne 39, mais cette fois-ci, le danger est plus grand. Parce qu'il est un anti-nazi notoire, il est considéré comme un ennemi du Reich et donc du régime de Vichy. Cette fois, c'est pire. L'année dernière, quand j'étais dans ce camp, on pouvait espérer une issue rapide du conflit. Tandis qu'aujourd'hui, les Allemands sont vainqueurs. Pour l'instant, le sud de la France est encore en zone libre. Mais pour combien de temps? Et puisque les nazis sont les maîtres, qu'est-ce qui les empêchera de venir chercher jusqu'ici ceux qu'ils considèrent comme leurs ennemis? Je pourrais tout supporter. La privation, l'humiliation, la peur d'être livré aux soldats de Hitler. Tout. Si seulement je pouvais avoir des nouvelles de Léonora. Pourvu qu'elle ne quitte pas Saint-Martin d'Ardèche. Qu'elle ne se retrouve pas emportée par cette immense débâcle. Où est ma lumière? Mon ange? Mon amour? Je n'ai pas voulu ça. Jamais je n'aurais dû abandonner ma Léo. J'aurais dû m'enfuir quand les gendarmes sont venus me chercher. M'enfuir? Mais pour aller où? À Paris, chez mes amis français. Mais là-bas, en ce moment, c'est encore pire. Ils m'auraient attrapé tout autant. Ils m'exhiberaient aujourd'hui comme traître aux valeurs aériennes. Le temps presse. Ça va trop vite. Il faut que je trouve un moyen d'envoyer une lettre aux États-Unis. De là-bas, mon fils pourra sûrement faire quelque chose. J'aurais dû l'écouter. Partir avec lui et Léonora, imbécile, tout idiote, tout. Tu ne peux t'en prendre qu'à toi-même. 3 ans auparavant, Max et Léonora se sont rencontrés à Londres. Léonora Carrington est la fille d'un puissant industriel anglais. Elle était promise au meilleur parti, mais tenant tête à son père, elle a entrepris d'étudier la peinture. Max Ernst, qui a combattu en 14-18 et a sans doute tiré sur ceux qui deviendront ses amis, est venu vivre à Paris en 1922. Rapidement, il participe au mouvement surréaliste né de la colère contre le sacrifice de toute une génération. Avec Breton, Aragon, Soupeau, Éluard et bien d'autres hommes moralement blessés, il tente alors de découvrir, non pas un nouveau moyen d'expression, mais un moyen de libérer l'esprit. Si le surréalisme est souvent décrit comme l'association d'éléments totalement incongrus, comme un parapluie et une machine à coudre sur une table de dissection, alors Max et Léonora devaient se rencontrer. En ce mois de juin 1937, c'est la canicule à Londres. Max étouffe dans cette petite galerie où une exposition collective présente certaines de ses œuvres. Son attention est attirée par une jeune fille brune d'une grande beauté qui s'avance vers lui. Do you speak English? Sprechen Sie Deutsch? Essayons le français? Le français, oui, c'est bien. Qui est cet homme? Savez-vous pourquoi il prononce son discours enfermé dans un scaphandre? Il s'appelle Salvador Dali. C'est un peintre catalan. On ne comprend rien à ce qu'il dit. Ce n'est pas grave. Il clame son amour pour sa femme Gala et il pense que nous l'entendrons malgré son enfermement. C'est tellement scandé que j'ai cru à un discours militaire. Salvador aime bien rythmer sa parole. Il travaille beaucoup son élocution si particulière. Cette femme, Gala, elle est ici? Oui, là sur la gauche. La grande femme brune en robe rouge. Elle a du caractère. Oh. Qu'y a-t-il? Elle vous a regardé. Et alors? Vous lui avez appartenu. Comment ça? Son regard sur vous, même si rapide, c'est celui que l'on pose sur les souvenirs. Nous avons été amants. J'ai longtemps vécu avec elle et son ancien mari, le poète Paul Éluard. Une histoire à trois? Cela vous choque? Je suis anglaise. D'après mon éducation, tout est censé me choquer. Mais je n'en laisserai rien paraître. Vous êtes Max Ernst, n'est-ce pas? Oui. Ce tableau devant nous, il est de vous? Oui. Comment s'appelle-t-il? Lop Lop présente une jeune fille. Lop Lop, c'est vous, ce drôle d'oiseau. Son bec, c'est votre nez. Et sa huppe, vos mèches blanches. Je l'avoue, Lop Lop, c'est moi. Et la jeune fille est représentée par une mèche de cheveux noirs comme les miens. Oui, pourtant je n'ai aimé que des femmes aux cheveux clairs. Une sorte de prémonition? Je peins selon mon instinct. Au hasard de mon esprit libéré. Savez-vous que je pourrais tomber amoureuse de vous? Un coup de foudre en plein cœur de Londres avec un ciel bleu. Au milieu de toutes ces œuvres surréalistes, en quoi cela serait-il surprenant? Ainsi, je le déclare. Je vous aime. Vous m'aimez? Nous nous connaissons à peine. Moi, je vous connais. Ma mère m'a offert un livre sur le surréalisme avec une de vos œuvres en couverture. Je vois. Deux enfants sont menacés par un rossignol. C'est l'image exacte d'un rêve que j'ai fait. Alors, nos inconscients se sont déjà rencontrés. Il faut donc laisser nos corps se rejoindre à présent. Embrassez-moi. C'est autorisé à Londres? En public? Depuis quand les surréalistes ont-ils besoin d'autorisation? On pourrait quand même y mettre quelques formes. Vous pourriez peut-être me donner votre nom? Je m'appelle Léonora. Léonora Carrington. Méfiez-vous, belle enfant. Si je pose mes lèvres sur les vôtres, rien ni personne ne pourra plus les séparer. Toutes les forces néfastes du monde peuvent se réveiller. Les vagues engloutir l'Europe. Je ne vous lâcherai plus, Max Ernst. Vous êtes à moi. Ma chère Nanny, j'espère que ce n'est pas mon père qui t'a poussé à prendre de mes nouvelles. Je sais qu'il doit être dans un état de fureur terrible. Je lui écrirai dès que je m'en sentirai la force et que j'aurai calmé ma colère au sujet de ce mandat d'arrêt qu'il a fait lancer contre Max pour pornographie. Ici, je vis enfin la vie dont je rêvais. Tu te souviens quand je t'ennuyais avec mes fantasmes de symbiose avec un autre artiste? Eh bien, tout s'est réalisé. La communion est totale avec Ernst. Il aime ma peinture et m'aide à progresser. Son ami, Monsieur Breton, propose de m'exposer. Et bien que les surréalistes soient presque tous des hommes, je pense pouvoir y trouver ma place. Il m'autorise même à jouer au jeu du cadavre exquis. Pendant que je t'écris, Max est allongé près de moi, nu. Il est dans un demi-sommeil et je vais le réveiller brusquement dans quelques instants pour qu'il se souvienne du rêve qu'il était en train de faire et le peigne. À toi, je peux raconter ces choses. Je sais que ça ne te choquera pas. Tu peux rassurer ma mère. Dis-lui que je ne suis pas enceinte, mais pas un mot à mon père. Et puisqu'il est encore temps, je te souhaite une bonne année 1938. Léonora. Serrez-moi. Serrez-moi fort. Je vais vous étouffer. Serrez-moi aussi fort que vous tenez à moi. Et de quoi avez-vous peur? Je ne supporte plus les scènes que vous fait votre femme. C'est fini entre elle et moi. On dirait que vous seul le savez. Elle se comporte comme si vous étiez toujours ensemble. Je lui dois beaucoup. Si la dette est si grande, pourquoi l'avoir quittée? Notre rencontre dans cette galerie de Londres et le dîner qui a suivi chez votre ami ont tout bousculé. Paris est devenu irrespirable. Les cafés où nous allons sont ceux où votre femme a ses habitudes. Ces scènes me fatiguent. Ces hurlements, ces verres brisés contre les miroirs. Et sa façon de m'ignorer. Cela va se calmer. J'étouffe. Des amis vont essayer de la raisonner. Alors serrez-moi. Si je dois étouffer, que ce soit d'amour. Venez, venez. Il faut m'entendre. J'ai besoin d'espace. Et puis j'ai un secret à vous avouer. Un secret? Je ne suis pas une femme. Pourtant, vous en avez tous les appâts et les plus beaux. Ce que je tiens dans mes mains vous font mentir. Et là où s'enfouit mon sexe vous rend parjure. Écoutez-moi, je ne suis pas une femme. Je sais depuis l'enfance que je suis un cheval. Vraiment, un cheval. Je vous crois, mon amour. L'homme oiseau ne pouvait tomber amoureux que de la femme cheval. Alors il faut m'offrir de l'espace. Quittons Paris. Oh, mais j'y travaille si bien. Et j'y ai mes amis. Vos amis? Oui, mes amis. Lesquels? Breton? Éluard? Ils vous écartèlent avec leur guerre. Vous ne pouvez prendre parti pour aucun des deux. Se fâcher avec Breton, c'est rompre avec le surréalisme, devenu sa chose. Tourner le dos à Éluard, c'est vous amputer d'un de vos membres. C'est tuer le meilleur de vous-même. Vous ne dites rien. Je sais que vous avez raison. C'est devenu invivable. N'y a-t-il pas moyen de les réconcilier? Entre la fidélité d'Éluard à Moscou et l'antistalinisme de Breton, le trotskisme, les poèmes règlements de compte d'Éluard, il y a tant de raisons pour eux de se déchirer. Alors il faut prendre du recul. Vous pourrez continuer à faire mon éducation artistique et littéraire, même loin de Paris. J'y songeais, mais je n'osais pas me l'avouer. Fuyons votre femme. Fuyons les querelles inutiles. Oui. Partons. Les chevaux ont besoin d'espace. Et les oiseaux de ciel sont limites. Cet espace, ce sera Saint-Martin-d'Ardèche, dans le sud-est de la France, à l'endroit précis où la rivière, après avoir sillonné dans des gorges étroites, se répand en douces courbes. Il fait bon plonger l'été dans son eau glacée. Le ciel est immense et clair, mais au-dessus de la maison qu'ils ont achetée en août 1938, une ombre plane. Léonora croit y reconnaître un vautour. Une bête sera morte sur les falaises toutes proches. Dans cet oiseau de mauvais augure, c'est une menace que Max sent peser sur lui. Il a quitté l'Allemagne depuis longtemps, et pourtant, l'année précédente, il a été désigné comme ennemi du Troisième Reich. Hitler et Goebbels visitaient une exposition de ce qu'ils appellent l'art dégénéré. Des tableaux d'artistes contemporains, bolcheviques ou juifs, confrontés à des œuvres de malades mentaux. Ils se sont arrêtés devant une toile très précise, un tableau de Max. Au-dessus, les nazis avaient fixé une inscription « Insulte à la femme allemande ». Toutes les œuvres ont ensuite été détruites en un immense auto-da-fé. Max chasse d'un grand geste cette pensée vert de gris. En quoi serait-il concerné par tout cela? Avec Léonora, ils ont fait le choix de l'anonymat et de la solitude. Max préfère décorer sa nouvelle maison plutôt que de regarder la menace qui s'approche. Peut-être croit-il bâtir une forteresse avec ses bas-reliefs de 4 mètres sur 5 sur le mur extérieur. Il crée des sphinx, des sirènes, toutes sortes de chimères, des minotaures. Cela devrait les protéger des têtes de mort des casques SS. Pourvu que les nazis restent derrière le Rhin. Vous ne vous ennuyez pas? M'ennuyer? À quel moment? Entre la rénovation de la maison, les textes que j'écris, la peinture, préparer l'exposition à laquelle Breton veut qu'on participe, les repas, nos bains ici à la rivière, m'ennuyer. Je voulais dire, nous deux, presque toujours seuls, volontairement coupés du monde, est-ce que vous vous rendez compte combien cela est précieux? La force de cet amour qui nous suffit. Je peux m'en rendre compte. Je suis une très vieille femme de 22 ans qui écoute la vie avec un cornet acoustique. Et qu'entendez-vous? La rivière, d'abord. Les disputes parisiennes de nos amis. Et tout là-bas, le bruit des bottes. Sorcière! Et puis comment comparer nos soirées parisiennes à celles d'hier, dans le café de Fonfon? Notre spectacle a été un véritable succès. Oui, mais j'ai eu un mal fou à enlever toute cette peinture bleue. J'en avais partout, jusque dans les cheveux. Quel délire! Le rire de Fonfon, quand vous avez sorti les accessoires de cuisine de mon ventre, comme si j'accouchais de toute sa quincaillerie. Mais qu'est-ce qu'elle s'imaginait? Que j'allais faire un strudel? Vous m'en voulez. De quoi? D'avoir laissé tomber le drap et d'être apparue toute nue à la fin de ma danse. C'était bien la première fois que j'entendais le silence dans ce café. Oh! J'allais oublier. Où allez-vous? Juste là, dans mon sac, il y a un pot de peinture noire que j'ai rapporté de Pont-Saint-Esprit. Qu'est-ce que vous voulez en faire? Immortaliser cet instant. Écartez les bras. Voulez-vous? Moi, je ne pourrais plus cacher mes seins. Il n'y a rien à cacher. Nous sommes nus comme au premier jour et seuls. Je veux peindre autour de vous. Laissez votre empreinte sur ces pierres blanches. Dans un siècle, les gens du village pourront dire « Tenez, c'est là-bas que le fada allemand et son anglaise dormaient nus au soleil. » Oh my God! Qu'y a-t-il? Là-haut, derrière les arbustes, le Pierrot nous observe. Oh, grand bien lui fasse. Il est temps que ce grand dadé découvre ce qu'est la beauté d'un corps. Vous avez fini? Votre contour, oui. Il me reste à peindre l'oplop qui vous prend dans ses ailes. Vous ne pourrez plus vous allonger contre moi. Vous allez vous mettre plein de peinture. Mais j'y compte bien. Et laissez mon empreinte sur vous. Et Pierrot? Il va découvrir enfin que l'amour n'est pas que spirituel. L'été 1939, si beau, si radieux, à croire que la nature veut donner une dernière vision de ce qu'est la paix avant qu'elle ne disparaisse. Max et Léonora, toujours insouciants, vivent au jour le jour. Léonora s'est mise à écrire. Breton fait tout pour la publier. Ce sont de petites victoires. Le 1er septembre 1939, l'Allemagne envahit la Pologne. le 3 septembre, le Royaume-Uni et la France déclarent la guerre à l'Allemagne. Tous les ressortissants allemands de sexe masculin de 18 à 50 ans, résidant en France, sont arrêtés. Quelle que soit leur notoriété, artistes, intellectuels célèbres ou simples opposants au nazisme, ils sont tous considérés comme des ennemis. L'assignement à résidence n'étant pas suffisant, ils sont regroupés dans des centres spéciaux. Dans toute la France, on crée des camps pour les accueillir. Max Ernst a confiance. Le problème va être vite réglé, il en est sûr. En septembre 1939, il est sommé de rejoindre la maison d'arrêt de l'Argentière, non loin de Saint-Martin. Léonora peut lui rendre visite. Elle loge à côté de la prison et peut voir Max tous les jours. Mais au bout de 6 semaines, l'affaire prend un mauvais tour. Max est transféré au camp d'Émile. Léonora ne peut pas le suivre. Mais qu'est-ce que je fous là? Je n'ai pas mis les pieds en Allemagne depuis des années. C'est absurde. Comment peut-on me considérer comme un ennemi de la France? C'est insensé. Ils vont bien finir par s'apercevoir de cette incohérence. Bon. En attendant, il faut tenir. Le mieux, c'est de reprendre les règles qui m'ont permis de survivre dans les tranchées en 14-18. Règle numéro 1. Ne pas se faire remarquer. Ceux qui proclament haut et fort qu'ils sont des ennemis du régime nazi ne sont pas mieux traités que ceux qui se taisent. Nous sommes tous des ennemis potentiels. Règle numéro 2. N'avoir aucun espoir du côté de la bureaucratie. Ils peuvent rendre fou. 36 fois décliner son identité, d'où l'on vient, comme si on allait changer de version d'un jour à l'autre pour leur permettre de nous accuser d'intelligence avec l'ennemi. Règle numéro 3. Faire le moins d'efforts physiques possible pour empêcher les poumons de se charger de ces poussières qui rendent l'air de cette tuilerie irrespirable. Règle numéro 4. Approfondir ma technique du frottage, mettre la feuille sur le sol et passer la mine du crayon pour imprimer les sillons, les excroissances de la pierre, puis trouver les concordances avec mes rêves et les associer. Et puis, dessiner, oh oui, dessiner toujours le visage de Léonora. Règle numéro 5. Ne pas chercher de sens à l'absurdité. Faire comme si l'on jouait une nouvelle pièce d'Alfred Jarry. Ubu au camp d'Émile, ubu bureaucrate. Le 23 décembre 1939, Max Ernst est libéré. Son ami, le poète Paul Éluard, a pris contact avec des députés et avec le président de la République pour obtenir sa libération. Il leur écrivait « Max Ernst est interné en France depuis le début de la guerre. Or, Max Ernst a quitté son pays sans idée de retour depuis 20 ans. Il a été le premier peintre allemand à exposer dans un salon français. Il a 50 ans. C'est un homme simple, fier, loyal. Et c'est mon meilleur ami. Il possède à Saint-Martin-d'Ardèche une petite maison qu'il a conçue et ornée lui-même. Qu'on le laisse y retourner, il n'en bougera pas. Je réponds de lui comme de moi-même. Je vous demande sa grâce. » Max. Max. Léonora. Oh, Léonora. Oh. Comment avez-vous su que j'arrivais? Éluard m'a téléphoné au café de Fonfon. Cela fait 3 matins que j'attends l'arrivée du bus. Venez, j'ai hâte de me retrouver chez nous. Attendez, on va prendre le chemin de la rivière. Mais ce sera plus court par le village. Oui, mais il vaut mieux ne pas aller par là-bas. Il y a du monde dehors à cette heure-ci. Et alors? Les choses ont changé. Vous n'êtes plus le fada allemand rigolo qui a construit des géants de plâtre pour protéger sa maison. Ah bon? Et que suis-je devenu? Le Bosch. Le Bosch juif. Ah bon? Je suis juif à présent. C'est la guerre, Max. Nous irons au café de Fonfon plus tard. Et vous? Quoi, moi? Comment vous appelle-t-il? La folle nue. Venez, passons par le village. Il ne faut pas les provoquer. Ils vont être furieux que vous soyez là. Tranquille, à la maison. Alors que les leurs sont bloqués au front. Mais il ne se passe rien. Ce n'est même pas une vraie guerre. Ils seront bientôt de retour. Venez. Tenez-moi. Fort. Vous voyez comme ils nous regardent? Levez la tête. Allons, Léonora. Avez-vous oublié que vous n'êtes pas de la trempe du cheval qui se cabre devant l'obstacle? Vous avez raison. Voilà. C'est bien. Droite. Le menton haut. Et le sourire. Toujours le sourire. Autre mauvaise nouvelle. Mon père m'a coupé les vivres. Ce n'est pas grave. Nous vivrons de nos légumes en autarcie. Rien n'est grave, Léonora, tant que nous serons ensemble. Ensemble, si peu de temps. Le 12 mai 1940, finit la drôle de guerre, les Allemands envahissent la France. Le gouvernement décide aussitôt de rouvrir les camps et réactive l'arrestation des réfugiés allemands. Une semaine après, les gendarmes débarquent à Saint-Martin d'Ardèche. Ils menottent Max et l'emmènent. Il a été dénoncé comme espion. On raconte que la nuit, le couple agitait des lumières. À coup sûr, l'Allemand et sa maîtresse anglaise faisaient des signaux à l'ennemi. Retour au camp des Milles. Quel con je fais, nous aurions dû fuir. Le premier internement était une alerte. Oh, j'aurais dû... Mais j'étais comme anesthésié par l'apparente tranquillité de Saint-Martin. Aveuglé par je ne sais quel sentiment de protection. Comme si l'art nous protégeait de la barbarie. L'art en est la première victime, oui. Je le savais. Mais je n'ai rien voulu voir et aujourd'hui... Voilà que j'en suis réduit à prier pour que Léonora survive à ce cataclysme. Nein, je l'ai abandonnée. Elle est si fragile, imbécile. Toi, Arschloch, assassin, qu'as-tu fait? Mon cheval d'amour, sois forte. Il faudrait fuir. Et je suis enfermé ici. Les nazis viendront me chercher jusque dans ce camp. Trop content de pouvoir exhiber le peintre dégénéré. Il faut que je tienne le coup. Pour moi, mais pour Léonora aussi. M'accrocher au vers d'Apollinaire. Comment ça commence? Malou, je suis... Nein, das war's nicht. Je pense à toi, Maléo. Ja, oui, je l'ai. Je pense à toi, Maléo. Ton cœur est ma caserne. Mes sens sont tes chevaux. Ton souvenir est ma luzerne. Restée seule dans la maison d'Ardèche, Léonora essaye d'abord de ne pas céder à la panique. Elle se lance dans des activités physiques intenses pour s'épuiser et ne pas penser. Son état inquiète des amis de passage sur la route de l'Espagne. Il la force à venir avec eux. Léonora ne peut se résigner à abandonner la maison, mais elle finit par monter dans la voiture. Lop, lop, je n'ai pas survécu à votre départ. Pour tenir à distance la douleur de votre disparition, j'ai voulu anesthésier mon esprit et mettre au supplice mon corps. La douleur physique aurait dû l'emporter. Je me suis fait vomir plusieurs fois, jusqu'à être vide et creuse. J'accueillais avec bonheur la violence des spasmes qui me cassaient en deux. Pendant 2 semaines, je ne me suis nourrie que d'une pomme de terre et je n'ai bu que du vin. Enivrée du lever du soleil à son coucher, je me suis occupée de la terre, de la vigne. Ma nuque, mes épaules sont brûlées, je ne supporte plus les vêtements. J'étais mue par une force surhumaine. Aucune nouvelle de vous. Alors j'ai lâché. J'ai laissé mon esprit reprendre sa liberté. Il s'est éparpillé, s'est répandu à mes pieds. Impossible de le ramasser. Des amis sont venus. Il faut fuir, ont-ils dit. La France est à l'agonie. Partir en Espagne. Je ne voulais pas. Mais j'ai votre passeport. Et si j'arrive à avoir un visa en Espagne pour vous, je vous libérerai. Alors je me suis décidée. J'ai confié la maison au patron de l'auberge en échange de la petite note que je leur devais. Je pars. J'ai tout laissé. Nos tableaux, mes écrits, les chats, tout. Nous reviendrons ici quand tout sera fini. N'est-ce pas ? Nous n'avançons pas. On dirait que tous les Français sont sur la route. Tous viennent dans le sud. Parfois, un avion descend en piqué sur nous. On se réfugie où on peut, mais souvent on reste à découvert, au milieu de la route. Et on attend, plié en deux, les mains sur la nuque, la gerbe de balle qui nous coupera en deux. J'ai peur aussi de ces camions qui nous dépassent. Ils ont beau avoir mis des bâches. Je vois les jambes et les bras des cadavres qui en sortent. Mes compagnons disent que c'est faux. Que j'ai des visions, alors je n'ose pas leur parler des amoncellements de cercueils sur le bas-côté. Peut-être suis-je la seule à voir la vérité. Il y a des signes, comme sur cette valise que j'ai prise. Dessus, il y a écrit « Révélation ». Le monde se révèle à moi seul. J'en suis le pivot central. La terre tourne autour de ma lumière. Il faut que j'ouvre la vitre. J'étouffe. Oh ! Mais quelle horreur! Ça pue la mort. Le train qui a quitté le camp des Milles, avec à bord ses prisonniers étrangers, suit un étrange parcours au gré des gares qui refusent de l'accueillir. Il fait un aller-retour entre Marseille et Bayonne et finit par s'arrêter près de Nîmes le 25 juin 1940. Un camp est improvisé en pleine campagne. La surveillance y est très sommaire et Max Ernst parvient à s'échapper. Il réussit à regagner Saint-Martin-d'Ardèche. À son arrivée, il découvre qu'un acte de vente a été signé par la personne à laquelle Léonora avait confié la maison. Il n'est plus chez lui. Ernst récupère tant bien que mal une partie de ses œuvres et celle de Léonora. Raison. Je fais encore un hôtel. J'espère que le réceptionniste sera plus aimable que le dernier. Je peux comprendre leur irritation. Toute la journée, ils voient débarquer des gens qui, comme moi, avec une photo à la main, leur demandent s'ils n'ont pas vu telle ou telle personne. Mais où peut-elle bien être ? Marseille est la destination la plus logique pour tous ceux qui veulent obtenir un visa pour traverser l'Espagne et gagner Lisbonne. Rester à Saint-Martin devenait trop dangereux. J'ai attendu tant que j'ai pu une lettre, un signe. Nichts, nichts. Léonora a disparu. Je ne peux plus rester dans ce pays. Un jour ou l'autre, la Gestapo me rattrapera. Heureusement que Peggy Guggenheim m'a acheté les quelques toiles que j'ai réussi à emporter. Elle est vraiment très généreuse avec moi. Trop ? Elle va sans doute me proposer de l'accompagner à Lisbonne et de partir avec elle aux États-Unis. Comment refuser ? Partir, bien sûr. Me sauver. Mais Léonora... Arrivée à Madrid, Léonora Carrington a perdu ses esprits. La crise schizophrénique l'entraîne si loin que l'on est obligé de l'interner pendant plusieurs mois. Quand elle sort de l'hôpital, son père envoie de Londres du personnel pour la rapatrier. Mais Léonora comprend vite que l'infirmière allemande et le représentant des affaires de son père en Espagne ne sont pas là pour la raccompagner en Angleterre. Leur destination prévue est l'Afrique du Sud. Il faut éloigner de Londres cette fille trop libre, trop folle. L'embarquement doit se faire à Lisbonne. Arrivée dans la capitale portugaise, Léonora entraîne son infirmière dans un magasin de sous-vêtements. Je vais compter jusqu'à 20. Le temps de laisser croire à cette vieille bique allemande que j'ai cesse de soutien-gorge. Ne me quitte pas d'une semelle. Mais elle n'a quand même pas osé me suivre dans les cabines. 3. Je sens 4, de l'air frais derrière moi. 5. Il doit y avoir une sortie pour le personnel par là. 7. Je ne veux pas de cet exil africain. Je vais courir jusqu'à l'ambassade mexicaine et supplier que l'on m'accorde un visa. Ne pas penser à Max. Me dire que nous nous retrouverons un jour. 18. Peut-être. 19. Allez, cours, Léonora. Cours, sans te retourner. Lisbonne. Tous les exilés qui tentent de quitter l'Europe par la mer sont obligés de passer par la capitale portugaise d'où partent les derniers paquebots. Il est alors fatal que Max et Léonora se retrouvent ici. Vous ne me reconnaissez pas ? C'est votre regard ? Mes yeux ont été dévorés par l'incendie de mon esprit. Et vous ? Moi ? Ce pli d'amertume qu'a pris votre bouche. Vous avez abandonné notre maison, confié nos biens à des voleurs. Je suis morte quand ils vous ont pris. Il fallait être forte. Plus forte que la guerre ? Breton avait raison. Entre nous, c'était bien l'amour fou. Et lorsqu'on m'a enlevé l'amour, il n'est resté que la folie. Pourquoi n'arrivons-nous pas à nous prendre dans les bras ? Des forces contraires nous emportent. Vous allez partir aux États-Unis avec votre maîtresse, Peggy Guggenheim, m'a-t-on dit ? ce n'est pas... Max, pas de mensonge entre nous, voulez-vous ? Moi, pour me sauver des griffes de mon père, je me suis mariée avec un ami retrouvé à l'ambassade du Mexique. Je n'aime pas encore mon mari, mais un jour viendra où je découvrirai que la meilleure solution pour moi sera de le suivre à Mexico. Nous pourrions... Non, Max. Cette guerre sera marquée de millions de morts auxquelles nous, dans le secret de nos vies nouvelles, pourrons ajouter notre amour. Comme vous avez changé. Il ne fallait pas me lâcher la bride. À présent, mon esprit galope et je ne vous vois plus que comme une toute petite silhouette là-bas, au loin. Léonora. Adieu, Max. Adieu, Léonora. Oh, Max. Je voulais vous dire, toute ma vie, dans chaque tableau que je peindrai, en haut à gauche, je dessinerai un petit oiseau bleu, mon lop-lop. Puis je le recouvrirai. En 1940, Max Ernst et Leonora Carrington, Une passion en temps de guerre, de Jean-Benoît Patricot. Avec Max Ernst, Pierre-Marie Schneider, Leonora Carrington, Jennifer Decker de la Comédie-Française, Paul-Éluard, Christophe Lombion, Les Amis, Claudine Charère et Sandrine Baudenès. Bruitage, Elodie Fiat, prise de son montage et mixage, Jean-Richard Dufour et Yannick Magnin. Assistante à la réalisation, Lise-Marie Barré et Alice Cachaner. Réalisation, Cédric Ossir. Dans quelques minutes, nous reprenons la discussion sur Max Ernst et Leonora Carrington avec mon invité Julia Drost. And after all's been said and done, who said it best? Were you the one? Let's just forget, leave it behind, and carry on. If you should find the time to speak, then speak to me. I'd never keep you from your final destiny. So carry on. I lost my nerve, yet peace surrounds, so carry on. De Nora Jones. Vous écoutez France Inter, Autant en emporte l'histoire, une émission réalisée par Michel Billou, assistée de Christiane Alain Favre, programmation musicale Djoubaka, à la technique Vincent Godard. Julia Drost, je le rappelle, vous êtes historienne d'art et spécialiste de Max Ernst. Vous venez d'écouter avec nous l'histoire d'amour, pour le moins tourmentée, de Max Ernst et Leonora Carrington. Un amour qui n'a pas résisté à la folie de la Seconde Guerre mondiale. Mais avant ça, c'est quand même incroyable, cette belle histoire dans leur maison de Saint-Martin en Ardèche. Les sculptures, leur créativité et leur amour. Il existe d'ailleurs des photos de cette période qu'on peut voir réalisé par Lee Miller, la grande photographe surréaliste. Oui, exactement. Donc, il existe de très belles photos. Et, donc, une grande sensualité. Grande sensualité, où le monde entier était inquiet pour la paix. Oui, c'était et l'époque de Munich, c'était l'époque où Hitler prenait de plus en plus d'importance et était de plus en plus menaçant. Exactement. Mais eux vivaient à part. Et eux, ils étaient à Saint-Martin d'Ardèche, là où le soleil était chaud et où le climat était si doux et où il y avait tellement de choses à faire puisque Max Ernst, il avait acheté cette vieille ferme du XVIIe siècle et ils ont commencé à la rénover, à la rendre habitable, ce qui n'était pas du tout le cas avant. Et ils se sont amusés tous les deux à la décorer. Donc Max Ernst, il a réalisé des beaux reliefs en ciment absolument fantastiques sur les murs extérieurs et sur le mur du jardin. Tous ces chimères, les sphinx, les minotaures, enfin tous ces êtres fabuleux vont veiller sur cet amour qui paraît en effet fou. Et ça paraît incroyable, et c'est explicable uniquement par, en effet, un sentiment d'amour incroyable et l'illusion de paix dans cette campagne française si loin finalement de tout. Une très belle histoire d'amour donc dans ce lieu Saint-Martin d'Ardèche, mais qui est emporté donc dans la défaite de 40, dans la débâcle générale, des séparations, des déportations, il y en a eu d'autres. Léonora donc a failli perdre définitivement la raison dans cette histoire. Max est interné au camp des Milles. Cet internement au camp des Milles, est-ce qu'on peut dire que ce fut un vrai traumatisme pour lui? Oui, enfin, je pense qu'on peut le dire. Ce serait presque improbable que ce soit autrement. Ce qu'on peut dire aussi, c'est que Max Ernst, il n'en a pas beaucoup parlé. Donc, ce qu'on a de cette époque-là, c'est pas mal de petits tableaux, des choses, des dessins qu'il a réalisés à cette époque-là. Notamment un dessin qu'il a fait dans le technique du frottage, qui fait avec deux limes et qui est intitulé Apatride. Et c'est effectivement le sentiment qu'il a dû avoir quand il s'est retrouvé interné en France. Il pouvait plus revenir dans son pays et tout d'un coup, en France aussi, il est emprisonné. Donc, au camp des Milles, il partageait sa cellule, son four, faut-il dire, puisque c'est une ancienne tuilerie. Oui, les fours servaient de cellule aux prisonniers. Exactement. Et donc, il a partagé sa cellule avec Hans Pelma, un autre artiste surréaliste que Max Ernst y connaissait. Qui a d'ailleurs fait un très beau dessin de lui, du visage de Max Ernst, avec des briques. Exactement. Des briques fabriquées donc dans cet univers. Puisque, comme Max Ernst, c'est les peu de choses qu'il dit de cette époque-là dans son autobiographie, il dit que la poussière était partout dans cette ancienne tuilerie, et qu'on la mangeait, on la respirait, et elle était vraiment partout insupportable, et que ce que Hans Pelma et lui, ils faisaient pour passer le temps, c'était peindre de folie. Et Max Ernst, il a fait toute une série qui montre des visions de paysages, mais des paysages un peu pétrifiés, des paysages minéraux. Et souvent, il y a un portrait de femme dans ces portraits-là, et c'est le portrait de Léonora, qui souligne aussi enfin, l'importance qu'a eue cette liaison pour lui. Je vous propose d'écouter la voix de Max Ernst qui en 1963 était interviewé et racontait son amour pour la France qu'il avait découverte donc en 1922. Il est vrai que j'ai eu mon premier contact avec la France et particulièrement avec Paris il y a un demi-siècle. Il y avait d'abord des raisons négatives qui m'ont poussé à quitter l'Allemagne. La menace du nazisme était pour quelqu'un qui avait un peu de discernement, déjà très sensible. Et Paul Éluard m'a aidé, d'ailleurs, de venir ici en France. C'était alors pas seulement l'amitié, mais aussi la poésie que je trouvais dans ce pays. Pas seulement la haute poésie que je connaissais par les lettres et les livres que j'avais déjà lus avant la guerre, mais aussi la poésie qu'on trouve dans les rues, dans la vie quotidienne, dans les quartiers populeux, etc. Autant on emporte l'histoire sur France Inter. Un beau témoignage sur son amour pour la France, Julia Drost. À propos du camp des Milles, je signale donc ce camp des Milles qui était situé près d'Aix-en-Provence. Je rappelle qu'après avoir été un camp d'internement pour ennemis de la France, donc des Allemands, des Autrichiens, des Tchèques et des Hongrois, il est devenu pendant l'occupation un camp de transit pour environ 2000 Juifs qui donc sont passés par ce camp des Milles avant d'être envoyés en camp d'extermination. Et je signale que ce bâtiment existe toujours et qu'il est devenu un musée, le site mémorial du camp des Milles, créé, je cite, pour comprendre l'histoire et agir au présent contre les intolérances. Et donc, c'est un lieu qu'on peut visiter très intéressant. Oui. Julia Drost, donc, qu'est-ce qu'ils sont devenus tous les deux? Ils se sont exilés tous les deux, Max Ernst aux États-Unis et Léonora Carrington. Elle a fini le reste de sa vie au Mexique. Oui, exactement. Ils ne se sont jamais revus? Si, ils ont pu se revoir 2 ans en 42. Donc à Lisbonne, et c'était juste avant le départ de Max Ernst, qui est arrivé le 14 juillet en 1941 aux côtés de Peggy Guggenheim et de ses enfants à La Guardia, à New York, où Max Ernst s'est fait emprisonner tout de suite de nouveau, parce qu'il avait un passeport allemand, et il était un ressortissant allemand. Mmh. Et donc, il a été interné, et c'est son fils, Jimmy Ernst, qui avait déjà émigré quelques années auparavant, qui est devenu un artiste, et qui a fait en sorte qu'il a pu être libéré tout de suite. Donc Max Ernst, il s'est marié avec Peggy Guggenheim, et dans le fameux Guggenheim triplex où il vivait, il y a une photo devenue célèbre des artistes surréalistes exilés. Donc là, on voit une photo de groupe avec Leonora Carrington et évidemment Peggy qui dit, pour une fois, elle était bien habillée. Ah, méchante. Max Ernst va mourir en 76 à l'âge de 84 ans. Leonora Carrington était plus jeune. Elle mourra en 2011 à l'âge de 94 ans. Je propose d'écouter sa voix. C'était en 1977, interviewée au Mexique pour France Culture. Elle raconte l'importance qu'a été sa découverte du surréalisme et sa relation avec Max Ernst. J'ai sorti de l'Angleterre avant la guerre et j'étais consciente d'être attirée par une vie qui était pour moi beaucoup plus vitale de la vie que je devais mener en Angleterre. J'étais attirée par la vitalité de le mouvement surréaliste d'avant-guerre. D'abord, ça m'a apporté que je vivais avec Max Ernst, qui était un être merveilleux. Puis j'ai connu un tas de gens qui étaient autrement plus drôles que les gens autour de ma famille, que c'était des hommes d'affaires et des femmes de société. C'est pas très drôle. Trouver les surréalistes, c'était plus drôle. Je crois que c'était une véritable rencontre vitale. Je crois que dans la vie, l'amour-passion est quand même une expérience essentielle pour l'être. L'amour-passion, une rencontre vitale, le surréalisme, c'était beaucoup plus drôle. Une belle leçon de vie de Leonora Carrington. Merci beaucoup Julia Drost. Je rappelle que vous êtes directrice de recherche au Centre allemand d'histoire de l'art à Paris. Autant n'importe l'histoire est terminée pour ce soir. L'émission est bien sûr réécoutable, podcastable sur notre site franceinter.fr où je vous invite à découvrir le nouveau dessin de Nina Lehec. J'attends également avec impatience vos commentaires sur la page Facebook de l'émission. Très bonne soirée à tous.